tomber, mais nos yeux sont déjà fermés, rêvant d'oublier le passé. Va-t'en, la nuit vient de tomber. Va-t'en, la rose s'est fanée, semblable au murmure, au baiser d'un amour qui ne veut mourir. Va-t'en, la rose s'est fanée. Si l'on nous avait dit votre amour est fragile, sûr qu'on aurait bien ri, sûr qu'on aurait bien ri. Va-t'en, les mots se sont usés d'avoir bien trop longtemps erré sur des lèvres au triste sourire. Va-t'en, les mots se sont usés. Va-t'en, la plage désertée ne nous verra plus enlacée au creux d'une vague bleutée. Va-t'en, la plage est désertée. Si l'on nous avait dit votre amour est fragile, sûr qu'on aurait bien ri, sûr qu'on aurait bien ri. Va-t'en, notre amour s'est blessé pour avoir quelquefois douté sur le chemin d'éternité. Va-t'en, notre amour s'est blessé. Va-t'en, nos mains se sont quittées, dénouant nos doigts enlacés qui s'étaient trop souvent cherchés. Va-t'en, nos mains se sont quittées. Si l'on nous avait dit votre amour est fragile, sûr qu'on aurait bien ri, sûr qu'on aurait bien ri. Attends, le jour va se lever, crois-tu qu'on oublie le passé? Je voudrais tout recommencer. Attends, le jour va se lever.